Wesh, serve. Au nord. Qu'est-ce qu'ils attendent tous là? Je sais pas, je crois qu'ils attendent qu'on leur envoie la bombe, hein. Faut leur donner la bombe. Faut leur donner la bombe, comme ça au moins, tu vois, ils comprennent une bonne fois pour toutes que. Il reste plus que nous là. Il reste plus que nous et. Nord. Cervantes. C'est du lourd sur un street album. Si t'en veux, on t'en donne. J't'emmerde, moi je rappe content sans avoir fait 20 ans de tol. J'suis l'entorse à la règle, le bélier dans la porte. Écoute bien, j'suis dans le creux de ta raie, ta joue dans celui de ma pomme. Que personne ne m'approche, j'ai la rage dans la peau et je m'accroche à la pente. Mec, tu sais ce qui t'attend, à trop jouer les macros, tu finis par être la pute de la bande. J'avance à l'aveuglette, mon rap il est tel quel. Pendant que d'autres jouent la vedette, elles ont perdu leur quéquette. Mon son vous éclabousse, laisse des traces sur son parcours. Ma couille, tu voulais que ça bouge, te voilà servi sur un plateau. C'est le style qui pousse à la conso. T'en as besoin, t'en redemandes, c'est pire que la coco. Tu vas finir sur le carreau, électrocuté à la clo-clo. Désormais, c'est Nord Cervantes qui te fournissent. Moi, je suis comme Tony devant un communiste. Vos prestations me donnent le fou rire. Hein? Me donnent fou rire. Donne fou rire. Face à ce style d'ordement, on écrit car demain y'a de la rime à revendre. Y'a du rap qui s'éteint, fais tourner le réseau. Viens fumer, on a la bombe. Nord Cervantes, c'est du lourd sur un street album. Face à ce style d'ordement, on écrit car demain y'a de la rime à revendre. Y'a du rap qui s'éteint, fais tourner le réseau. Viens fumer, on a la bombe. Nord Cervantes, c'est du lourd sur un street album. Voilà la rime à revendre sous mon zèle. Soulève la tête, voilà les aigles. On la joue plus zen, coupe les airs. J'suis pas là pour impressionner les zincs. Faire un peu de bénéf, j'm'endors tout près des enceintes. C'est nos vies, on reste jamais immobile. On écrit juste en faisant le tour de la ville. On s'efforce de bien faire cravacher la mine. T'inquiète pas, mon rap grandit en famille. Comme tu te comportes, tu te la pètes, tu m'écœures, tu fais trop ta belle. Mais t'es qu'une petite pute qui écarte. Tout le monde sait le faire, mais ne nous teste pas. Nord, c'est le 137 qui te parle. Tu jures sur le Coran, mais t'as intérêt à rattraper ça. On va faire une dorade, trop sale. Négro, ils comprennent pas. On veut ta part, mais on partage pas. Si on rentre tard, c'est qu'on développe ça. Et tout ton bise, on s'en bat les couilles. Il faut du bif, ok, y'a nos rois et on serre à l'écoute. Jamais un genou à terre, toujours la tête haute. Nord, c'est ce petit capil bien trop fier. C'est ce petit capil bien trop fier. Face à ce style d'ordement, on écrit car demain y'a de la rime à revendre. Y'a du rap qui s'éteint, fais tourner le réseau. Viens fumer, on a la bombe. Nord, Cervantes, c'est du lourd sur un street album. Face à ce style d'ordement, on écrit car demain y'a de la rime à revendre. Y'a du rap qui s'éteint, fais tourner le réseau. Viens fumer, on a la bombe. Nord, Cervantes, c'est du lourd sur un street album. Face à ce style d'ordement, on écrit car demain y'a de la rime à revendre. Y'a du rap qui s'éteint, fais tourner le réseau. Viens fumer, on a la bombe. Nord, Cervantes, c'est du lourd sur un street album. Y'a de la rime à revendre, y'a de la rime à revendre, y'a de la rime à revendre.